derrière. France Musique. The next stop is 42nd Street. Quand vous êtes dans la musique et la chanson, le sentiment est immédiat et le sens vient derrière. Come here, venez. Ça va plus vite, plus fort. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À 20 ans, elle était déjà une vétérante de Broadway. Trois flops et un succès dans le circuit non commercial. Non, Bernadette Peters est vraiment une enfant de la balle, une Broadway baby qui a créé des rôles pour les plus grands auteurs, Stephen Sondheim, Jerry Herman et Andrew Lloyd Webber. Mais vous l'avez vu aussi au cinéma, par exemple chez Woody Allen ou Mel Brooks, et dans des séries comme The Good Fight. À son actif, un Golden Globe, deux Tony Awards et des nominations aux Grammy et aux Emmy Awards qui célèbrent les meilleures séries et disques de l'année. Elle reviendra sur scène à New York ce printemps dans un spectacle Old Friends qui célèbre l'art de Stephen Sondheim. Alors je vous propose aujourd'hui de découvrir cette forte personnalité que certains ont nommée digne successeur de Barbara Streisand. Avec aussi deux autres drôles de dames aujourd'hui sur la 42e rue. À 13h, Patti LuPone dans Sunset Boulevard. Ça sera notre étoile de la comédie musicale de la semaine. Et puis dans l'actualité, Nathalie Dessay à l'affiche, à la fin de la semaine, de Gypsy à l'Opéra de Nancy. Mais d'abord, la première des drôles de dames, une véritable Broadway baby, Bernadette Peters. I got lustre, tube of grease paint, and a En 1980, Broadway Baby, une chanson de Stephen Sondheim. Elle a 32 ans, elle, sur la pochette de son premier album qui s'intitule tout simplement Bernadette Peters. On la voit dessinée comme une pin-up. Lèvres pulpeuses, cheveux bouclés, renversés tête en bas. C'est un dessin signé du célèbre illustrateur de pin-up, Alberto Vargas. Une image inspirée à la chanteuse par la pochette d'un album du groupe The Cars qui présentait justement une jeune fille allongée sur une voiture. Une image très glamour. Voilà, Bernadette Peters, on peut le dire, est née sur les planches. Il y a des images d'elle à 6 ans, sous son véritable nom de Bernadette Lazzara, lorsqu'elle participe à la télé à une émission qui ressemble un peu à N'oubliez pas les paroles. Ça s'intitulait Name That Tune, trouver le titre de ce morceau. Elle est née en 1948 dans une famille italo-américaine qui vit dans le quartier de Queens à New York. Sa mère, qui fut une artiste refoulée, ses parents ne voulaient pas de ça, reconnaît très tôt le talent en sa fille. La petite Bernadette chante tout le temps, alors sa mère l'inscrit à des émissions de télé dès l'âge de 3 ans, lui fait prendre des cours de danse et à 9 ans, la petite Bernadette a déjà sa carte de membre du syndicat des acteurs. À 11 ans, elle décroche une première apparition sur une scène de Broadway. Elle commence à partir en tournée dans des spectacles et puis le tournant arrive donc assez tôt, à 20 ans, son premier grand rôle à Broadway dans George M., une comédie musicale qui raconte l'histoire d'un des pères fondateurs de Broadway, George M. Cohan. Elle incarne la sœur de George M. Cohan, c'est Joël Grey qui incarne le personnage principal. On est en 1968 et le spectacle reste à l'affiche durant un an. Where are my on Sunshine Lane, a fairy palace in disguise. I don't see it now. It must be rain that's getting in my eyes. Where's my umbrella? La la la la la. And where's my guy? You'll find him. I need that fella. La la la la la. To keep me. Deux ans plus tôt, à l'âge de 18 ans, Bernadette Peters fait partie d'un petit spectacle qui va devenir grand, Dames at Sea, dont on vient d'entendre un extrait, une parodie des grandes comédies musicales tape à l'œil des années 30 et aussi un énorme clin d'œil au film toujours dans les années 30 de Busby Berkeley. Elle, elle incarnait l'héroïne de l'histoire, une jeune fille fraîchement débarquée du bus du Midwest à New York et qui décroche un rôle à Broadway et devient une star. Cette pièce est d'abord jouée off-Broadway dans un café, et puis off-Broadway où Bernadette va commencer à se faire un nom. C'était Raining in My Heart, une chanson de George Hampson et Robin Miller, à la fois comique et sensible, qui montre déjà toute la palette de jeu de la jeune comédienne. Un rôle pas très loin de ses références et des vedettes glamour qu'elle aimait regarder à la télé lorsqu'elle était petite, que ce soit Ruby Killer ou Rita Hayworth. Bernadette Lazara, c'est son nom. Lorsqu'elle naît, a beau habiter à New York, elle a beau grandir à New York, ses parents ne peuvent pas lui payer des places pour aller au théâtre. Alors, elle se forge en fait son goût pour la comédie musicale à la télé. Il y a les films et puis aussi le Ed Sullivan Show, une émission qui recevait chaque dimanche soir des troupes de comédie musicale. Eh bien, en 1971, c'est à son tour, à l'âge de 23 ans, de participer à cette émission. If I preach to you a while, tears are out of place in eyes that were meant to smile. There's a way to make your very biggest trouble small. Here's the happy secret of it all. Bernadette Peters, Look for the Silver Lining, une chanson de Jérôme Kern et Buddy De Silva en 1971. Alors le parcours de Bernadette Peters n'est pas linéaire, il y aura aussi de jolis flops, à commencer par la même année, 71, le premier rôle dans l'adaptation à Broadway de La Strada de Federico Fellini par un cador, Lionel Barthes, qui avait si bien réussi son adaptation de Oliver Twist. À Bernadette Peters, le rôle principal de Gelsomina, mais le spectacle est un tel échec qu'il ne reste qu'un seul jour à l'affiche. Bernadette Peters qui voyage aussi, elle incarne Dolly dans la version canadienne de Hello Dolly de Jerry Herman. Et puis en 1971, elle reçoit sa première nomination aux Tony Awards. Elle incarne la chauffeuse de taxi des Vergondés dans la nouvelle production de On the Town de Leonard Bernstein. Elle reprendra des chansons de cette œuvre dans son album solo en 1996. Une chanson extraite de la comédie musicale de Leonard Bernstein, On the Town, Some Other Time. C'était Bernadette Peters. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et puis il y a cet énorme flop, et pourtant au départ un cadeau énorme que fait pour Bernadette Peters, Jerry Herman, le futur compositeur de La Cage aux Folles et l'artisan du succès de Hello Dolly. C'est pour un spectacle qui s'intitule Mac and Mabel. Jerry Herman lui propose d'incarner bien l'héroïne principale, Mabel Normand, une actrice du cinéma muet, célèbre, dont s'était entiché le célèbre producteur des premiers films de Charlot, Mack Sennett. Le casting était parfait, Robert Preston dans le rôle du producteur, 56 ans, et Bernadette Peters, 26, dans celui de la jeune actrice. Alors, est-ce que c'est la fin tragique de l'histoire? En tout cas, le spectacle ne connaît pas le succès espéré, même si Jerry Herman a toujours considéré qu'il s'agissait de sa partition préférée. En voici un extrait. La déclaration d'amour du producteur à sa protégée et sa réponse. I won't send roses or hold the door. I won't remember which dress you wore. My heart is too much in control. The lack of romance in my soul will turn you gray, kid. So stay away, kid. Forget my shoulder when you're in need. Forgetting birthdays is guaranteed. And should I love you, you would be the last to know. I won't send roses, and roses soon. You so. My pace is frantic, my temper's cross, with words romantic, I'm at a loss. I'd be the first one to agree that I'm preoccupied with me, and it's inbred, kid. So keep your head, kid. In me you'll find things like guts and nerves, but not the kind thing that you deserve. And so while there's a fighting chance, just turn and go. I won't send roses, and roses suit you so. Stuff like that. So who wants chocolates? They'd make me fat. And I can get along just fine without a gushing Valentine. And I'll get by, kid, with just the guy, kid. And if he calls me and it's Colette, Sir Walter Raleigh, I don't expect, and though I may be left out on a limb, Mac and Mabel, dont est extrait ce titre, I Won't Send Roses, interprété par Bernadette Peters. Mac and Mabel, qui est un joli échec. Le spectacle ouvre le 6 octobre 1974 et s'arrête un mois plus tard. Alors là, Bernadette Peters n'insiste plus de ce côté de l'Atlantique, elle a 26 ans. Dans les interviews, elle explique que son moteur, sa vie, sa créativité consiste à rompre la monotonie. Alors elle part de l'autre côté, à Hollywood, et commence à se faire remarquer dans des rôles. La télé, explique-t-elle, c'est un média formidable qui entre chez tout le monde. Elle est par exemple l'héroïne d'une sitcom à succès, All's Fair, où elle incarne une photographe de journal intrépide. Et puis il y a le cinéma. On la voit dans La dernière folie de Mel Brooks, en 1976. On la voit dans une comédie, aux côtés de Steve Martin, un vrai schnock, en 1979. Et puis, elle reçoit un Golden Globe en 1981 dans le film qui donnera envie à Alain Resnais de réaliser son film « On connaît la chanson ». Ça s'intitule « Pennies from Heaven », « Tout l'or du ciel », une histoire d'amour durant la dépression des années 30 et des personnages qui, soudain, se mettent à chanter en playback des bouts d'air des années 30. En 2005, lors de son récital à Carnegie Hall, Bernadette Peters reprenait dans sa voix certaines de ses chansons de cette époque. Ladies and gentlemen, specially gift-wrapped by Santa himself, Miss Bernadette Peters! We're in the money. We're in the money. We got a lot of what it takes to get along. We're in the money. The skies are sunny. All man depression, you are through. You've done us wrong. You never see a headline but a bread line today. And when you see the landlord, you can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, my honey. Let's spend it, lend it, send it, rolling along. Turn to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. And now, in pig Latin. Ewe ine the anime. Ewe ine the anime. Ewe akwe inle akwe dit adit get it gay you walk gay gay a long way old. Ewe ine the anime. A blank page or canvas? The challenge, bring order to the whole. Through design, composition, tension, balance, light, and harmony.

Dans les années 80, Bernadette Peters est donc passée du côté d'Hollywood. Elle est une vedette et pourtant, elle aime le risque et elle accepte de participer à l'atelier de création d'une toute nouvelle comédie musicale dont on vient d'entendre un extrait autour de la figure de l'artiste et du peintre pointilliste George Seurat. Ça s'appellera Sunday in the Park with George. C'est composé par Stephen Sondheim. Alors, de sa part, Bernadette Peters, c'est un geste assez courageux en soi puisque à l'époque, la pièce n'avait qu'un seul acte, était créée off-Broadway dans une salle dénommée le Playwright Horizon. Seulement, voilà, Bernadette Peters connaît le librettiste de cette pièce, James Lapine, et elle raconte cette expérience unique de voir littéralement la pièce se créer devant elle, puisque chaque jour, le compositeur et parolier Stephen Sondheim venait aux représentations avec une chanson supplémentaire. La pièce sera un grand succès et le début de cette rencontre essentielle avec Stephen Sondheim qui créera pour elle d'autres grands rôles. Dans Sunday in the Park, elle a carrément créé le personnage du modèle du peintre George Seurat qui prend la pose au tout début de l'œuvre, c'est ce qu'on vient d'entendre, un personnage dénommé astucieusement Dot, point en français. Les deux auteurs font encore appel à elle pour leur comédie musicale suivante. Ça s'appelle Into the Woods. À travers les bois, cette fois, il s'agit d'une histoire qui brasse plusieurs personnages célèbres de contes de Grimm. Le petit chaperon rouge, réponse, des princes plus ou moins charmants. Et on lui offre le rôle de la sorcière qui emprisonne sa fille, réponse. Un rôle rendu célèbre ensuite au cinéma par Meryl Streep. Mais voici sa créatrice, Bernadette Peters, à qui revient le moment de la morale de l'histoire. Children will listen, il faut bien apprendre aux enfants. Once upon a time. Far off kingdom, there lived a young maiden. Careful the things young you lad. Say, children will listen. Careful the things you do, children will see. I see a glimmer. Into the woods you have to go, but that's the way you learn to cope. Into the woods to find this hope of getting through the journey. Into the woods each time you go, there's more to learn of what you know. Into the woods, but not too slow. Into the woods, it's nearing midnight. Into the woods to mind the wolf, to heed the witch, to honor the giant, to mind, to heed, to find, to think, to taste, to try, to go to the festival, into the woods. One, two, three, four, lift those legs up higher. It's time to first fire. I wanna know where your fire is. Harder. Now show me some harder before you retire. I'm a behind, half alive. Seems my whole damn existence is a behind. I'm not a seed and in need of condemning. I've got the drive to survive of a lemming. Time made me obsolete and a behind. Push a class, cause it gets tougher. Paula, you're a behind. Arms apart, for your art suffer. Paula, move your sweet behind. Stop looking glum, overcome by inertia. Some season soon, Tommy Tune may rehearse ya. He'll keep you on your feet till you lose your mind. You're a beat behind. Out of shape and exactly as I thought. Behind. Look at her with the lungs of Madonna and a tot. Behind. Somebody get me an antidepressant. She's at the most maybe post-adolescent. Time can be so unkind. I'm a behind. This is so perverse. Better call a nurse. Better yet, a hearse. En 1993, Bernadette Peters, dans un cours de danse, elle est l'héroïne, avec Martin Short, de la comédie musicale The Goodbye Girl, en français Adieu, je reste. Alors c'est inspiré du film avec Richard Dreyfuss, écrit par Neil Simon, l'histoire d'une ex-danseuse larguée par son petit ami qui est obligée de prendre un colocataire, un acariâtre comédien, dont elle deviendra forcément amoureuse à la fin. Une comédie musicale écrite par deux grandes Broadway. Il y a Marvin Hamlisch pour la musique et puis David Zippel pour le livret. Tout ça sous la direction de deux grands chorégraphes, Michael Kidd et Graciela Daniele. C'était ce titre intitulé A Beat Behind. France Musique, 42e rue. Laurent Vallière. Avec Bernadette Peters sur la grande affiche de la 42e rue, une grande voix de Broadway aujourd'hui. Alors, entre-temps, elle a ajouté un autre grand compositeur à son arc, après Jerry Herman, après Stephen Sondheim. Voici Andrew Lloyd Webber, le compositeur notamment du Fantôme de l'Opéra. Elle devient l'héroïne sur le sol américain de son nouveau spectacle Song and Dance. Sauf que c'est l'unique actrice dans ce spectacle en deux actes. Elle incarne une jeune Britannique romantique qui débarque à New York et à Hollywood et qui vit de nombreuses aventures et mésaventures. Un spectacle qui avait été créé à Londres pour une autre comédienne, Marty Webb. Et puis Andrew Lloyd Webber choisit Bernadette Peters pour, justement pour Broadway, pour apporter une patte un petit peu plus américaine. C'est un triomphe. Bernadette Peters reçoit un Tony Award pour ce spectacle. Le spectacle est à l'affiche durant plus d'un an et il y a notamment cette magnifique chanson « Unexpected Song ». No matter what I do, I see your somewhere a bird who is bound to be heard is throwing his heart at the sky. It's a grand night for singing. The stars are bright above. The earth is aglow, and to add to the show, I think I am falling in love. Falling, falling in love. Maybe it's more than the moon. Maybe it's more than the birds. Maybe it's more than the sigh of a night and a light too lovely for words. Maybe it's more than the earth, shiny and silvery blue. Maybe the reason I'm feeling this way has something to do with you. It's a grand night for singing. The moon is flying high, and somewhere a bird who is bound to be heard is throwing his heart at the sky. It's a grand night for singing. The stars are bright above. The earth is aglow, and to add to the show, I think I am falling in love. Falling, falling in love. Un extrait d'un autre album de Bernadette Peters, celui-ci entièrement consacré au répertoire des rois de l'âge d'or de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein en 2002. C'était « It's a grand night for singing ». Des classiques, Bernadette Peters y participe aussi, toujours à la recherche de la force motrice derrière chacun des personnages qu'elle interprète. Elle jouera par exemple la mère abusive dans « Gypsy » et aussi une tireuse d'élite dans « Annie Get Your Gun » à Broadway en 1999, un autre classique, l'histoire de la vraie Annie Oakley dans un cirque qui met à mal la domination de la vedette masculine du cirque, Frank Butler. C'est Tom Wopat qui incarnait l'homme. Il y aura bien sûr une romance entre les deux avec des chansons écrites et composées par Irving Berlin. Une romance donc bien sûr en chanson. Anything you could do, I could do better. Ha! I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. I can shoot a partridge with a single cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. I can live on bread and cheese. And only on that? Yep. So can a rat. Any note you can sing, I can sing higher. I can sing any note higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. How do you sing that high? I'm a girl. Anything you can say, I can say softer. I can say anything softer than you. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. I can drink my liquor faster than a flicker. I can drink it quicker and get even sicker. I can open any safe without being caught. You bet. That's what I thought, you crook. Any note you can hold, I can hold longer. I can hold any note longer than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Yes, you can. Where do you keep all that air? Yeah. Oh. Anything you can say, I can say faster. I can say anything faster than you. They can. Yes, I can. They can. Yes, I can. I can jump a hurdle. I can wear a girdle. I can knit a sweater. I can fill it better. I can do most anything. Can you bake a pie? No. Neither can I. Anything you can sing, I can sing sweeter. I can sing anything sweeter than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. No, yes, I can. No, you can't, can't, can't. Yes, I can, can, can. Yes. No. Bernadette Peters qui sera de retour à Broadway à partir de mars dans Old Friends, la revue qui rend hommage à Stephen Sondheim qui a été créée à Londres en 2022 et que vous avez peut-être entendu dans 42e rue. C'était notre concert le 5 janvier dernier. Sur la page de l'émission, vous retrouverez toute la programmation musicale. Et maintenant, place à une autre étoile sur la 42e rue de France Musique. Étoiles de la comédie musicale. Laurent Vallière. C'est en 1993 que le théâtre de Londres connaît sa plus grande vente de billets à l'avance, avec un box-office de 5 millions de livres avant même l'ouverture du spectacle. Tout le monde attend la nouvelle grande œuvre de Andrew Lloyd Webber, 7 ans après Le Fantôme de l'Opéra. Le sujet est en or. Boulevard du Crépuscule, le film de Billy Wilder qui raconte la vie recluse d'une ancienne star du cinéma muet à Hollywood dans les années 30 et un écrivain retrouvé mort dans la piscine de la vedette au tout début. Pour l'aider à adapter cette histoire, le compositeur fait appel à des pointures, Don Black et Christopher Hampton, tout juste auréolés de son adaptation au cinéma des Liaisons dangereuses avec Glenn Close et John Malkovich. Les auteurs conserve la trame du film et même de nombreux dialogues. Andrew Lloyd Webber compose sa musique la plus opératique, nécessaire à cette adaptation car déjà, lorsqu'il tournait le film, Billy Wilder avait imaginé d'utiliser la musique de Salomé, l'opéra de Richard Strauss, pour la scène finale. Et puis pour incarner Norma Desmond, il fait appel à celle qui avait créé le rôle d'Eva Perón dans sa comédie musicale Evita, 15 ans plus tôt. L'américaine Patti LuPone. C'est cet enregistrement que je vous propose d'écouter aujourd'hui dans nos étoiles de la comédie musicale, car il est historique. Et pas seulement parce que ça sera un chemin de croix pour la comédienne réputée qui sera remplacée à New York par Glenn Close malgré son contrat. Non, c'est parce que d'abord, on trouve dans cet enregistrement le grain de voix de Patti LuPone, sa vulnérabilité qu'elle mettait déjà en exergue lorsqu'elle crée le personnage de Fantine dans Les Misérables à Londres en 1986. Voici le prologue de Sunset Boulevard, extrait donc du premier enregistrement de cette comédie musicale à Londres, sous la direction musicale de David Caddick. Thank you. I guess it was 5 a.m. A homicide had been reported from one of those crazy mansions up on Sunset. Tomorrow, every front page is going to lead with the story. You see, an old-time movie star is involved. Maybe the biggest star of all. But before you read about it, before it gets distorted by those Hollywood piranhas, if you want to know the real facts, you've come to the right party. Let me take you back 6 months. I was at the bottom of the barrel. I'd had a contract back at Fox, but I'd fallen foul of Darryl. Now I had a date at Paramount, along with about 1,000 other writers. If this didn't come up roses, I'd be covering funerals back in Dayton, Ohio. I'd hidden my car 3 blocks away. Turned out to be a smart move. Yeah, I got an appointment with Mr. Sheldrake. Name? Gillis. Joseph Gillis. Okay, sir, you know your way? Yeah. Sheldrake. I'm shooting a western down at Fox. How can you work with Darryl? We should talk. Gotta run. Let's have lunch. Morning, Joanna. Hi there, my. How you doing? How's it hanging? I've got a date with Sheldrake. I'm landing in my second. I'm shooting trail. A western down at Fox. I'd really love to read don't it. Can't be when you're cast. We should talk. We should gotta talk. We want the keys to your car. You're way behind with the payments. Don't give us any fancy footwork. Give us the keys. I only wish I could help. I loaned it to my accountant. He has an important client down in Palm Springs. Felt like playing some golf. Are you telling us you walked here? I believe in self-denial. I'm in training for the priesthood. Okay, wise guy, $300. Oh, we're taking your car. We have a court order. I love it when you talk dirty. Greetings, Gillis. What brings you here? You're my agent, you should know. Make it quick, don't keep me waiting. I'm with Sheldrake, TEM 15. Hey, listen, I need $200. Maybe what you need is a new agent. Plusieurs styles musicaux dans cette adaptation en théâtre musical de Sunset Boulevard. Il y a le jazz pour immerger dans l'univers foisonnant des studios d'Hollywood dans les années 30. Et puis le romantisme pour exacerber la tragédie qui se niche au cœur de cette villa magnifique où vit recluse Norma Desmond. On est au 10086 Sunset Boulevard. La comédie musicale ouvre le 12 juillet 1993. Elle est mise en scène par Trevor Nunn, qui est aussi derrière Les Misérables. Avant de créer la pièce au Adelphi Theatre, la comédienne Patti LuPone l'avait d'abord jouée, comme elle le raconte dans ses mémoires, dans une sorte d'atelier au festival Sinmonton, où Andrew Lloyd Webber a l'habitude d'étrenner ses nouvelles pièces de théâtre devant un parterre de pontes du théâtre de Broadway et de Londres, et notamment devant Meryl Streep. C'était moins d'un an plus tôt. Déjà, la rumeur avait enflé, ne serait-ce pas Meryl Streep qui incarnerait le personnage de Norma Desmond. Patti LuPone est finalement choisie, mais elle découvre ensuite que deux de ses chansons dans le spectacle sont enregistrées avant la première par Barbra Streisand dans son nouvel album. Nouvel affront, Patti LuPone se sent spoliée. Et puis, avant même que les répétitions à Londres ne débutent, on annonce que c'est Glenn Close qui incarnera le personnage lorsque Sunset Boulevard ouvrira à Los Angeles. Bref, comme l'explique Patti LuPone dans ses mémoires, deux différentes Norma Desmond étaient créées par le même compositeur. Je vous propose donc aujourd'hui d'écouter la première version sur scène de Sunset Boulevard avec Patti LuPone. Voici le moment où le scénariste d'Hollywood s'échappe, est prise en filature par des agents d'assurance et se gare dans le garage d'un manoir délabré de Sunset Boulevard. Il est invité à entrer dans la maison. L'écrivain Joe rencontre Norma Desmond. Norma was to fight. White flags fly tonight. You are out of danger now. Still, wild poppies on the hill. Peace can only come when you surrender. Hear the tracers fly, lighting up the sky. But I'll fight on to the end. Now don't you give me a fancy price just because I'm rich. Lady, you've got the wrong man. I had some trouble with my car. I just pulled into your driveway. Get out. Okay. And I'm sorry you lost your friend. Get out of here! I'm sorry, but haven't I seen you somewhere before? Or shall I call my servant? Aren't you Norma Desmond? You used to be in pictures. You used to be big. I am big. It's the pictures that got small. There was a time in this business you wouldn't remember. We had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for those Einsteins in the front office. They wanted the ears of the world as well. So they took all the idols and smashed them. The Fairbanks, the Gilberts, the Valentinos. They trampled on what was divine. They threw away the gold of silence when all they needed was this face of one look sets the screen aflame. shall forgive the past. They'll rejoice, I return at last to my people in the dark. Still out there in the dark. Staying for good, I'll be back where I was born to be. With one look, I'll be me. Now go. Just a minute. Did you say you were a writer? Par un seul regard, j'hypnotise les spectateurs. Le grand solo de Patti LuPone, alias Norma Desmond, ancienne star du cinéma muet, dans cette première version de Sunset Boulevard enregistrée à Londres en 1993 face à l'écrivain, scénariste d'Hollywood incarné par Kevin Anderson. Alors le spectacle Sunset Boulevard sera remanié, raccourci, lorsqu'il ouvrira à Broadway après Londres. Les décors seront beaucoup plus fastueux, avec une voiture sur scène notamment, et un travail plus prononcé sur le noir et blanc, les pénombres. Voici le moment le plus imposant de cette comédie musicale. Lorsque Norma Desmond retourne au studio Paramount. Elle croit que tout le monde l'attend, à commencer par le grand réalisateur Cecil B. DeMille. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que si le studio a appelé le majordome de la star, c'était simplement pour emprunter sa voiture de collection. Des retrouvailles. Patti LuPone au studio Paramount, As If We Never Said Goodbye. I don't know why I'm frightened. I know my way around here. The cardboard trees, the painted seas, the sound here. Yes, our world to rediscover. But I'm not in any hurry. And I need a moment. The whispered conversations in overcrowded hallways. The atmosphere as thrilling here as always. Trying to resist you. I'm trembling now. You can't know how I've missed you. Missed the fairy tale adventures in this ever spinning playground. We were young together. I'm coming out of makeup. Already burning, not long until the cameras will start turning, and the early morning madness, and the magic in the making. crowded hallways. So much to say, not just today, but always. We'll have any floating madness. We'll have magic in the making. Yes, everything's as if we never said goodbye. Yes, everything's as if we never said goodbye. Patti LuPone, As If We Never Said Goodbye. Contrairement à ce qui était stipulé sur son contrat, Patti LuPone n'incarnera pas après Londres Norma Desmond à New York, à Broadway. Ça sera le début d'une bagarre chimérique avec le compositeur Andrew Lloyd Webber. C'est Glenn Close qui reprendra ce rôle avec un nouvel enregistrement. Là, on a entendu l'enregistrement initial à Londres de Sunset Boulevard, dirigé par David Caddick, avec aussi Kevin Anderson dans le rôle de Joe Gillis et Daniel Benzali dans celui du majordome Max von Meyerling. Pour retrouver tous les podcasts de toutes les étoiles de la comédie musicale de 42e rue, une seule adresse, le site de France Musique, l'appli Radio France et tous les sites de musique en ligne. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Dans l'actualité des comédies musicales, après Bernadette Peters, aujourd'hui, Patti LuPone, voici une troisième grande drôle de dame. Elle est française, elle a chanté sur toutes les scènes d'opéra du monde, du Metropolitan à Carnegie Hall et à l'Opéra Garnier. C'est Nathalie Dessay qui, à son tour, va interpréter un des plus grands personnages de l'histoire de la comédie musicale. Une œuvre pourtant jamais montée en France, qu'on doit aux auteurs de West Side Story, et oui, le librettiste Arthur Lawrence, le metteur en scène et chorégraphe Jérôme Robbins et le parolier Stephen Sondheim. Seul manque à l'appel Leonard Bernstein. Là, le compositeur se nomme Julie Stein. Cette pièce s'intitule Gypsy et c'est l'histoire vraie de la plus célèbre stripteaseuse américaine, Gypsy Lee Rose, et surtout de sa mère abusive qui voulait à tout prix vivre ses rêves de célébrité à travers ses enfants, quitte à ce que ses enfants deviennent des reines du striptease. Le spectacle Gypsy est monté samedi et dimanche prochain à l'Opéra de Nancy, dans une mise en scène de Laurent Pelly. Alors Nathalie Dessay était venue le 2 décembre dernier, dans 42e rue, sur le plateau de 42e rue fait son show, nous offrir un avant-goût de ce spectacle que je vous propose de réécouter. Moi, si je meurs, ça sera pas en restant assise, ça sera en me battant pour m'en sortir. Some people can get a thrill, knitting sweaters and sitting still. That's okay for some people who don't know they're alive. Some people can thrive and bloom, living life in their living room. That's perfect for some people of 105. But I at least gotta try. When I think of all the sights that I gotta see, at all the places I gotta play, all the things that I gotta be at. Come on, Papa, what do you say? Some people can be content playing bingo and paying rent. That's peachy for some people, for some humdrum people to be. But some people and me, I had a dream. A wonderful dream, Papa. All about you and me, all for him sake. Give me a chance and I know I can work it. I had a dream, just as real as can be, Papa. And there I was in Mr. Orphan's office, and he was saying to me, Rose, Get yourself some new orchestrations, new routines and red velvet curtains. Get a feathered hat for the baby, photographs in front of the theater. Get an agent, any jig time, you'll be being booked in a jig time. Oh, what a dream, a wonderful dream, Papa. And all that I need is $88, Papa. That's what he said, Papa. Only $88. Et si tu me donnes pas d'argent, je trouverai ailleurs. Je trouverai. Goodbye to blueberry pie. Good riddance of all the socials. I had to go to all the lodges. I had to play all the shriners. I said hello to hello. I'm coming away. Some people sit on their butts. Not the dream, yeah, but not the guts. That's living for some people, for some humdrum people, I suppose. Well, they can stay and rot. But not Rose. Some people. Nathalie Dessay avec le grand orchestre de 42e rue, dirigé par Patrice Perieras. Une chanson orchestrée par Patrice Perieras, écrite par Julie Stein et Steven Sondheim, que vous pourrez retrouver sur scène dans Gypsy, la comédie musicale qui sera à l'affiche samedi et dimanche à l'Opéra de Nancy, et puis en avril, qui posera ses valises à la Philharmonie de Paris, une comédie musicale avec aussi Naïma Naouri, Antoine Le Provost, Marie Glorieux et Kate Combeau, la maîtrise populaire de l'Opéra Comique sous la direction musicale de Gareth Valentine. On vous en reparlera bien sûr, mais vous pouvez déjà retrouver toutes les infos sur la page de 42e rue, sur l'appli Radio France et le site de France Musique. Notez déjà le prochain cabaret 42e rue, ça sera dans 15 jours. On vous fera découvrir une autre avant-première en France jamais vue, la comédie musicale Company de Steven Sondheim, une production de Génération Opéra qui va tourner dans de nombreuses maisons d'opéra en France. Vous pourrez découvrir de larges extraits, c'est dimanche avec la troupe au complet, dimanche 9 février à midi en direct du Carreau du Temple. Vous le savez, vous réservez à l'avance sur maison de la radio et de la musique.fr. Et puis si jamais c'est complet, car ça arrive souvent, n'hésitez pas à venir le jour même, un petit peu avant midi, il reste toujours des places quelque part disponibles. Abonnez-vous au podcast de l'émission, c'est sur l'appli Radio France, le site de France Musique. Regardez 42e rue et plus de 200 vidéos de nos sessions live, c'est sur la chaîne YouTube France Musique Concert. Suivez-moi sur Facebook, Blue Sky ou Instagram. On se retrouve dimanche prochain avec le plus grand producteur outre-Atlantique de comédie musicale, l'artisan du succès des Misérables, du fantôme de l'opéra, c'est Cameron McIntosh, pour la deuxième partie de l'entretien qu'il m'a accordé. Un grand merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France, à Jeanne Agrapard qui m'a aidé à préparer cette émission, à Martine Moni pour le site internet, à la technique et au mixage, à Bruno Mourlan et à la réalisation Céline Parfenoff. Laurent Vallière, je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Rideau. France Musique. France Musique. The next stop is 42nd Street. Quand vous êtes dans la musique et la chanson, le sentiment est immédiat et le sens vient derrière. Come here, venez. Ça va plus vite, plus fort. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. C'est l'œuvre qui a inventé le concept de la ravissante idiote blonde. Les hommes préfèrent les blondes, met en scène une jolie blonde du fin fond de l'Amérique qui a l'esprit suffisamment ouvert pour savoir qu'elle préfère les hommes fortunés. Marilyn Monroe a immortalisé ce personnage dans un rôle qui allait lui ouvrir les portes du vedettariat, mais avant le film, il y avait la comédie musicale à Broadway qui célèbre aujourd'hui, jour pour jour, ses 75 ans. C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. Avec aussi aux alentours de 13h une nouvelle étoile de la comédie musicale où on célébrera nous aussi, à notre façon, à nous, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ça sera la musique du Bossu de Notre-Dame, la comédie musicale et le film d'animation du studio Disney. Mais pour commencer, un retour sur notre fantastique soirée de lundi soir. Vous étiez peut-être à l'écoute sur France Musique, au Studio 104. C'était la 7e édition de 42e rue fait son show. La grande soirée annuelle de la comédie musicale en France avec, c'est vrai, un plateau de folie, des tonnes d'avant-premières, une sublime création d'Olivier Soliveres et Cyril Giroux et des numéros dansés magnifiques. Grand merci encore une fois aux 198 artistes présents sur la scène, aux 24 musiciens de notre grand orchestre et aux techniciens de Radio France. Alors, vous pouvez regarder l'émission maintenant. Elle est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube France Musique Concert. Rien que pour le plaisir, voici le clou de la soirée. Un exaltant numéro dansé, chorégraphié par Elodie Heck et Vincent Brisson, un extrait de la comédie musicale Hairspray. Le clou de notre grande soirée de lundi dernier, 42e rue fait son show avec la nouvelle génération d'artistes de la comédie musicale emmenée par Zoé Bidot, Mila Villermoz, Charles Schmitt, Zoé De Stéphanis, tout ça sous la direction de la chorégraphie de Elodie Heck et Vincent Brisson et avec le formidable orchestre de 42e rue dirigé par Patrice Perrieras. Alors cette vidéo, vous ne pouvez pas encore la voir sur la chaîne YouTube France Musique Concert parce qu'on est en train de les monter les unes après les autres, mais toutes les autres ou presque, vous pouvez déjà aller sur la chaîne YouTube donc de France Musique. Et encore une fois, merci à tous les artistes qui étaient présents lundi dernier et merci aussi pour vos messages très nombreux. Place à la grande affiche de la 42e rue aujourd'hui. Alors si je vous dis les hommes préfèrent les blondes, bon, évidemment vous allez penser instantanément à ces numéros prodigieux, copiés notamment par Madonna dans un clip Marilyn, emballé dans une robe étroite fuchsia comme un bonbon, orné au cou de magnifiques colliers et de bracelets en diamants qui expliquent le plus naturellement du monde comment et combien les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Sur cet escalier, elle est entourée de garçons en costume noir qui tombent tous à terre à un seul de ses gestes. Alors la stature de Marilyn, sa prestance dans ce numéro, son port de tête, tout ça est millimétré par un autre chorégraphe génial, Jack Cole, qui la suivra toute sa carrière. Le tout, rappelez-vous, se déroule sur un grand escalier que descend Marilyn en enchaînant simplement marche, pas, saut et haussement d'épaule sous vos applaudissements. Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think of fears that you must give with Sonic a bit of bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight and baby, if I let you go away alone, are you sure I can trust you? Why, of course, Daddy. But what about you? What will you be doing while I'm all alone out on the great big ocean? I'll be in my room alone every post-meridian. And I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye-bye, baby, remember you're my baby, when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me, then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. With my baby by. Si Marilyn Monroe popularise les chansons des hommes préfèrent les blondes, si le film en fait une vedette ultime, le rôle de la ravissante blonde idiote et intéressée, Lorelai, a été créé 5 ans plus tôt par une toute autre créature. Elle s'appelle Carol Channing, on vient de l'entendre ici, en duo avec Jack McCauley, son amant à qui elle dit au revoir avant de partir dans un voyage transatlantique vers la France. Carol Channing, une comédienne au potentiel comique incroyable, aux yeux immenses. Certainement, écrivait un journaliste, certainement la comédienne la plus drôle à monter sur scène depuis de nombreuses années. Il continuait d'ailleurs toute posture, yeux écarquillés, plainte basse dans la voix, Carole Channing fait de Lorelai un être sans cesse charmant et surprenant. C'est parfait pour cette combinaison d'innocence, de sensualité, de caractère qu'il fallait à ce personnage de jeune fille amoureuse d'un homme riche qui part donc en voyage sans lui mais à ses frais et sur le bateau se met à draguer d'autres hommes fortunés. Comme il le fera ensuite avec Barbara Streisand, c'est le compositeur du spectacle, Julie Stein, qui va repérer la plutôt débutante Carole Channing dans un spectacle et il est sûr que le rôle est pour elle. C'est pour Carole Channing que Julie Stein va composer des chansons sur mesure. Car Carole Channing a une étendue de voix imposante. Alors il compose des notes basses lorsqu'elle évoque le passé sombre, le monde réel. Et puis elle part dans les notes hautes lorsqu'elle chante ses rêves et ses idéaux. Comme dans ce titre qui présente en fait le personnage. I'm just a little girl from Little Rock. Il y avait juste un problème avec Carole Channing. Elle était brune, alors elle va se teindre les cheveux en blond. Just a little girl from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks till a gentleman took me out one night. And after he taught me wrong from right, we moved to the right side of the tracks. Then someone broke my heart in Little Rock, and I up and left old song. Like a little lost lamb I roamed about till I came to New York and I found out the one you call your daddy ain't your pa. I was young and determined, I was wind and dined and earning every night opportunity would knock. Some of these days in my fancy clothes I'm a-going back home and thumb my nose at the one who done me wrong, the one who done me wrong, the one who done me wrong in Little Rock. I'm just a little girl from Little Rock, but fate led me straight to Murray Hill, and I suddenly had a charge account. It amounted to quite a large amount, but somehow I never got the bill. Although I lost my heart in Little Rock, I still wasn't smart about romance. I've discovered since then that a girl in love usually gets a token of a man's appreciation in advance. Though my landlord adored me, he was like a father toward me until I found he owned a city block. And now that I'm known in the biggest banks, I'm a-going back home and give my thanks to the one who done me wrong, the one who done me wrong, the one who done me wrong in... High time we were gay. It's high time that we jump some traces, but in a highly respectable way. It's no time for depressed long faces, no time to be blue. It's high time we began to revel and gave the devil his due. It's no time to get low, let's start to let go. The boat, the Ile de France, finest afloat, the Ile de France, all aboard and ship ahoy. By the way, the liquor is the real McCoy. It's waiters, the roomy elevators, the reading rooms, the writing rooms, and other more exciting rooms, but in particular, you are going to love the bar. I don't drink. It's high time we filled up and started to spin. To spin. On scotch, rye, corn, straight alcohol, brandy and gin. So drink a toast to our terrific holiday before we sail far away, away from the old USA. Il est grand temps d'échapper à la prohibition. Il est grand temps d'aller sur le vieux continent en France. It's high time. C'est l'un des titres qui ouvre la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes, ici dans la version de 1995 à Broadway. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Alors ça parle de quoi, Les hommes préfèrent les blondes, et comment est née cette œuvre? Eh bien, on la doit à une précurseuse, Anita Loss. En fait, c'est une sorte de Colette américaine qui partage avec l'écrivain français des points communs, dont le fait que leurs maris respectifs se sont appropriés au début de leur carrière leurs œuvres qu'ils publiaient sous leur propre nom. C'est d'ailleurs à Anita Loss que Colette confiera l'adaptation au cinéma de son roman Gigi avec une certaine Leslie Caron. Au départ, Les hommes préfèrent les blondes, c'est une nouvelle qui paraît dans les années 20 dans le magazine Harper's Bazaar. Autrice spirituelle, Anita Loss s'était amusée à se moquer dans ce texte de la relation d'un ami intime avec une charmante jeune blonde qui semblait le séduire plus par son physique avantageux que par son esprit et qui arrivait à le mener par le bout du nez. C'est cet ami amusé par le texte qui va la mettre en contact avec un magazine pour publication et ça connaît un tel succès que le texte est publié en livre. Cette fois, c'est un best-seller et c'est adapté une première fois au théâtre. Et puis, 20 ans plus tard, place donc à l'adaptation en comédie musicale. Anita Loss a récupéré les droits pris par son mari. Elle participe à l'adaptation de ce texte sur scène à Broadway. Et donc, Les hommes préfèrent les blondes, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, une blonde et une brune, Lorelai et Dorothée, qui embarquent à bord d'un paquebot, le Île-de-France, direction Paris. C'est un cadeau du riche amant de Lorelai, un puissant patron d'industrie. Sur le bateau, la blonde esselée va chercher un autre souteneur, tandis que la brune va vraiment essayer de trouver l'âme sœur. C'est Yvonne Adair qui a créé le personnage de la brune Dorothée, immortalisée dans le film par Jane Russell. Au départ, ce personnage chante qu'elle pourrait aussi bien aimer un homme riche que pauvre. Voici une version de ce titre lors de la reprise à Broadway en 1995 avec Karen Brunksick. You boys play for the love of the game. You take no pain, I'm just the same. I have my fun, though my funds are low. But come what may, I won't turn pro. What I'm doing, when I'm doing it for love, the kick that I get is my reward. If a boy is not a spender, I'm inclined to be more tender, and believe you me, I'm never bored. I get more thrills spending my evenings in a quiet spot for two than up in a penthouse high above. If I had a I could go from rags to riches, but I love what I'm doing when I'm doing it for love. For love. For love. I love what I'm doing when I'm doing it for love. For love. I know every bench in Central Park. Central Park. If a lad who comes a wooing wants to take me out canoeing, ooh, it's the greatest thing since Noah's Ark. A man takes me out driving and his motor car breaks down. I roll up my sleeves and help him shove. And I'm really in my heyday if he needs $10 till payday. Thank you. hurt yourself. I can't play tennis, my golf's a menace, I just can't do the Australian crawl. And I'm no better at volleyball, ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? I'm apathetic and non-athletic, can't keep up in a marathon. I need some shoulder to lean upon and a couple of arms to hold me. Ain't there anyone here for love? I'm not in condition to wrestle. I've never trained in a gym. Show me a man who can nestle, and I'll pin a medal on him. Need some chappy to make me happy, and he don't have to be Hercules. Don't anyone know about birds and bees? Ain't there anyone here for love? Sweet love, ain't there anyone here for love? Doubles? Anyone? Chords free? Doesn't anyone want to play? I like big muscles and red corpuscles. I like a beautiful hunk of man, but I'm no physical culture fan. Ain't there anyone here for love, sweet love? Ain't there anyone? Ain't there anyone? Ain't there anyone? Anyone? Anyone? Anyone? Here for love. Une autre séquence mémorable du film Les hommes préfèrent les blondes, Howard Hawks, Jane Russell, au bord de la piscine, entourée d'une équipe de sportifs musclés qui portent juste tous un slip couleur peau, et elle qui tombe soudain dans l'eau durant le tournage, ce qui n'était absolument pas prévu, mais qui sera conservé au montage. Une chanson créée pour le film et composée par Augie Carmichael, car l'adaptation au cinéma des hommes préfèrent les blondes conserve non seulement peu de chansons du spectacle de Julie Stein, mais en propose d'autres comme celle-ci, donc Ain't There Anyone Here for Love, franchement un des numéros les plus sexy de comédie musicale hollywoodienne. Les hommes préfèrent les blondes, la comédie musicale a donc 75 ans jour pour jour aujourd'hui. Elle est donc composée par Julie Stein. Alors si vous étiez à l'écoute de 42e rue Fesson Show lundi, vous avez entendu un autre de ces titres, interprété par Nathalie Dessay, c'était Some People dans une comédie musicale qu'on verra très bientôt à Paris, à la Philharmonie, également à l'Opéra de Nancy. Gypsy, ça s'était composé 10 ans plus tard, en 59. Car au départ, Les hommes préfèrent les blondes marque vraiment le début à Broadway de Julie Stein. On est en 1949, lui est né à Londres. Il a ensuite travaillé comme pianiste, notamment dans des bordels à Chicago. Et puis là, maintenant, dans les années 40, il travaille à Hollywood. Il compose beaucoup de chansons pour des films. Il compose aussi, il commence à composer pour Frank Sinatra, notamment ce futur standard I Begged Her. Et puis donc, Broadway arrive juste maintenant pour lui. Il a fait un premier essai, High Button Shoes. Et il commence à composer la musique des hommes préfèrent les blondes tout en habitant à Hollywood. Alors, Julie Stein, on pourrait dire que c'est un compositeur de mélodies inoubliables et d'air toujours cuivré. pour les hommes préfèrent les blondes, ils signent ce style de chanson si péchu. Par exemple, ce titre, Sunshine. Alors, on est à l'arrivée à Paris des deux jeunes filles de Little Rock. L'amour tombe littéralement sur Dorothée et elle se balade à Paris, dans les rues. Voici cette chanson dans la version de Broadway en 2012 avec Rachel York sous la direction musicale de Rob Berman. Let's do something daring now that we're on our own. Let's give ourselves an airing in the Bois de Boulogne. A stroll through the wood really would do us good. And today I'm my own chaperone. Sunshine, sunshine, ooh la la, skies are blue la la in the a gay lobby in the bois. Breezes hum a song, children hum along, la-dee-da-dee-da. Nature doesn't care a thing for money. Bluebirds wouldn't dare to sing for money. Sunshine, sunshine, what a joy. Find a lot of joy while you may. Have your fun, thrill your heart with the sun, fill your heart. Save it for a rainy day. Sunshine, sunshine, ooh la la, skies are blue la la in the bois. Who can wear a frown? You can wear a crown. Feel like yelling hurrah. Good luck, bad luck, say la vie. It's a gay la vie in the bois. Breezes hum a song, children hum along, la di da di da. Nature doesn't care a thing for money. Bluebirds wouldn't dare to sing for money. Sunshine, sunshine, what a joy. Find a lot of joy while you may. Have your fun, thrill your heart. With the sun, fill your heart. Save it for a rain. Il court, le furet du bois joli. Il court, qu'est-ce qu'elle a, cette folle chinoiselle. Il court, qu'est-ce qu'elle a, cette folle chinoiselle. Il court, qu'est-ce qu'elle a, cette folle chinoiselle. Il court, qu'est-ce qu'elle a, cette folle chinoiselle. Il court, qu'est-ce qu'elle a, cette folle chinoiselle. Il court, qu'est-ce qu'elle a. Il a passé par ici, le furet du bois joli. Il a passé par ici, le furet du bois joli. Il court, qu'est-ce qu'il a, c'est pour les chinois. Il court, qu'est-ce qu'il a, c'est pour les chinois. Une balade toute broadwayenne sur les Champs-Élysées à Paris. Il y a un autre collaborateur qui va faire des merveilles dans Les Hommes préfèrent les blondes, c'est l'arrangeur vocal. Il s'appelle Hugh Martin, on le connaît surtout pour avoir composé The Trolley Song dans le film Le Chant du Missouri avec Judy Garland. Lui, il va apporter à Broadway des arrangements vocaux jamais entendus auparavant, c'est-à-dire des harmonies à 8 personnes. quatre hommes chantent la même partie harmonique que quatre femmes, mais un octave au-dessous. Ça donne un son épais, texturé, qui ressemble en fait à la section de cuivre ou de saxophone dans un orchestre de jazz. Il va aussi utiliser des variations rythmiques, des syncopes, des syllabes sans signification, juste pour décorer les airs. Il y a notamment, dans Les hommes préfèrent les blondes, cette sorte de scat. Kids have been up for 3 days, but let's get with it! Wake up, get hot, get the lead out of your you-know-what. Let's show our president, we're glad he's a White House resident. Step on the gas and step to the rhythm that's classy. Hey, hey, this is the way, we're keeping cool with cool. Today and pass up a rhythm that's passe. Hey, hey, wiggle and sway. We'll keep it cool with Coolidge. Young folks, old folks, shake a leg. Everything is hotsy-totsy, even if they break a leg. Who cares? Mama loves jazz, Papa loves jazz. Razzama, razzama, razzamatazz. What a relief you get when the rhythm has gotcha. Hotcha, hail to the chief. We'll keep it cool with Coolidge. He's our pal. We'll keep it cool with Cal. Ever been to Chile? I don't know. Where is it? It's in South America. Oh, you mean that Chile? Yes, and Lorelei, it has everything. Can't you visualize a little hacienda where we could spend a weekend? And I could pretend that I'm a Chilean, to whom you'd lend a couple of million. A couple of million? It's delightful down in Chile, where the nights are nice and chilly, and the golden moon is hanging low. Die, die, die, die. such a sweet muchacha. We could do a lot in Chile, and it might get hot in Chile, even while the ocean breezes blow. Would be beautiful there, wearing a rose in your hair. Don't you think I ought to wear chinchilly? It's as nice in Piccadilly, or in Brooklyn, or in Philly, or in Raleigh, or in Bali, Bali. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die. Yes, it would be rather jolly down in Chile, on a chilly night. I would be happy no end. Think of the hours we could spend. Don't you think we ought to spend some pesos? Yes, it would be rather topping if we had the time for shopping. But of course we'd have to stop for tea. Ah. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die. Mamma mia. I see, see ya down in Chile on a chilly night. Even though they call her mama, she would be his honey llama, while they were living high among the Andes. Down in Chile, they'll be billing and cooing. Down in Chile, way, way, way, way, way, way, way, way down in Chile. So don't you think it really would be silly to travel willy-nilly down in Chile, when in Paris men are slicker and they spend their money quicker on a chilly night. Oh, oh, Les hommes préfèrent les blondes sera un immense succès à Broadway. 740 représentations. Le spectacle est ensuite monté à Londres. On vient d'entendre un extrait de cette production avec Dora Bryan dans le rôle de Lorelai. C'était le moment où, à bord du paquebot, Lorelai s'entiche d'une tiare qui vaut des milliers de dollars et fait tout pour se l'accaparer, notamment en subjuguant un convive fortuné. Elle sera arrêtée à Paris pour vol. France Musique, 42e rue. Laurent Vallière. Le spectacle sera donc ensuite adapté au cinéma. C'est Howard Hawks qui est à la manette. Il en gardera un mauvais souvenir lorsque le studio lui demandera comment faire pour que le tournage aille plus vite. Il répondra : il y a trois idées formidables qu'il faudrait remplacer Marilyn, réécrire le scénario et embaucher un nouveau réalisateur. Ça sera quand même un énorme succès, ce film. Glamour, sexy, l'histoire est modifiée. On conserve trois chansons seulement de Julie Stein et on commande à Augie Carmichael et Harold Adamson de nouvelles, dont cette romance qui est susurrée par Jane Russell, Dorothée, et Marilyn Monroe, Lorelai, quand l'amour va mal. Well, when love goes wrong. When love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh. The sun don't beam, the moon don't shine, the tide don't ebb and flow. strike, a match won't light. When love goes wrong, nothing goes right. The blues all gather round you, and day is dark as night. A man ain't fit to live with, and a woman's a sorry sight. A fright, a terrible sight. A man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it. When love goes wrong, nothing. No vows, honey, just 8 bars and off. Nothing goes right. Crazy, crazy, wee wee. It's like we said, you're better off dead when love has lost its glow. So take this down in black and white. When love goes wrong, nothing goes right. When love goes wrong, nothing goes right. Nothing goes right. Bye bye, baby. Remember you're my baby when they give you the eye. Although I know that you care, won't you write and declare that though on the loose, you are still on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me then. My shadows will fly, though you'll be gone for a while. I know that I'll be smiling with my baby by and by. And by with my baby by in and the by. By and by. Bye bye, baby, bye bye. We will meet baby on bye the beautiful shore. Bye. Bye bye, pretty baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye, my, my. Although I know that you care, won't you ride and declare? Declare that, oh, on the loose, you are still staying on the square. I'll be gloomy, but send that rainbow to me. Then my shadows will fly. Though you'll be gone for a while, I know that I'll be smiling with my baby by and by. With my baby by and by. I'll be in my room alone, every pause meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon. Bye bye, baby. Remember, you're baby, when they give you the eye, and just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay on the square. Les hommes préfèrent les blondes, c'est bien Marilyn qui chante toutes les notes sauf les plus hautes. Elle est doublée pour cela par Marnie Nixon, qui était aussi celle qui doublait Natalie Wood dans West Side Story. C'était Bye Bye Baby, interprété en duo par Marilyn Monroe et Jane Russell avec le chœur du studio de la 20th Century Fox. L'orchestre était dirigé par Lionel Newman. 25 ans après sa création, eh bien Carol Channing, la créatrice du rôle de Lorelai, va revenir sur scène dans une nouvelle comédie musicale qui s'inspire des Hommes préfèrent les blondes. Ça s'appellera carrément Lorelai. Alors elle est plus âgée et elle se rappelle de son passé. Elle peut reprendre donc des chansons de 1949, mais Julie Stein va aussi lui en composer de nouvelles, dont ce tonique hymne aux hommes. Man. Men. Men. Men. They are the sex that isn't us. They've got names like Max and Sam and Gus. Men. They wear shirts and ties and vests over hairy arms and hairy chests. Men. They think we are just a slave, all because they always need a shave. Men. They think they're a special sight, cause their buttons go from left to right. They make girls lean against a lamppost and sing, my man, I love him so he'll never know. I'll never lean against a lamppost, for what is a man? A fraud and a fake, who thinks his mustache is made of cake? They take us out and feed us, then jump into pajamas. They tell us that they need us, they really need their mamas. Men, I'm through with men. Men, they think cheating's just a game, except when ladies try to do the same. Men, when they puff a big cigar, they begin behaving like the czar. Men, they think they are headliners, cause they wear those flat heel lace-up shoes. Men, they think we should be enthralled, cause their heads can go completely bald. They make girls cry beside a wash tub and sing, he's just my bill, don't know what makes me thrill. I'll never cry beside a washed up, for what is a man? A pitiful case, who thinks that he's deep, cause he sings bass. They tell us we're the meek sex, which yes, I love to give them. They're strong and we're the weak sex, so how come we outlive them? Men, I'm through with men. And furthermore, think I gave that man the best 5 years of my life. I let him do everything that makes a man happy, like buy things for me. And furthermore, men have blamed we girls for everything throughout history. Ever since Adam and Eve, when Eve gave Adam that big shiny red apple, he didn't have to take it. Didn't he have a mind of his own? All he had to do was say, no thanks, I'll have a banana. Men, just because we're a little bit different shape, you make them feel like thank you. Une célébration de Paris déjà avant les Jeux Olympiques et hier avant la réouverture de Notre-Dame. C'était une autre chanson composée pour ce Lorelai Paris Paris, ou plutôt c'était de nouvelles paroles pour la chanson Sunshine. Alors après, les hommes préfèrent les blondes, Carol Channing, qui a créé le personnage de Lorelai, va retomber un peu dans l'oubli. Ses spectacles suivants ne connaissent pas le succès espéré et on se demande si, et ça arrive souvent à Broadway, l'actrice n'était pas l'actrice d'un seul grand rôle. Figurez-vous que le destin va sonner à nouveau à la porte pour elle en 1964, lorsque Jerry Herman va proposer à Carol Channing d'incarner Dolly Gallagher pour la création de Hello Dolly. Et ça sera son nouveau triomphe. Et bien ça tombe bien parce que la semaine prochaine, le cabaret 42e rue de France Musique recevra la troupe de Hello Dolly. Ou plus précisément, la troupe de Hello Dolly recevra 42e rue puisque nous serons en direct du théâtre du Lido avec la formidable Caroline O'Connor. Alors les réservations sont complètes, je sais, mais essayez toujours de venir. Il y a toujours de la place de dernière minute. Ça sera donc en direct du théâtre du Lido dimanche prochain à midi. Et pour en savoir plus sur Les Hommes préfèrent les blondes, consultez la page de 42e rue, c'est sur francemusique.fr et bien sûr sur l'appli Radio France. Merci d'écouter la 42e rue de France Musique, 13h30, c'est le moment de partir dans les étoiles. Les étoiles de la comédie musicale. Laurent Vallière. Pour célébrer la réouverture de Notre-Dame de Paris, notre étoile cette semaine, c'est l'enregistrement original en 1996 de la bande originale du dessin animé Disney, Le Bossu de Notre-Dame. 4 ans avant le succès de la comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cocciante, Notre-Dame de Paris, en France, le studio d'animation avait décidé d'adapter en film pour la jeunesse le puissant roman de Victor Hugo. Alors, une histoire sombre, si le film n'est pas un succès espéré au box-office, eh bien c'est, comme l'explique un critique américain, car il est impossible d'offrir aux enfants un film plein d'espoir avec cette histoire. Eh bien pourtant, la partition d'Alan Menken, elle, va connaître un succès fulgurant. Le compositeur américain à qui nous avons consacré 3 émissions en cet automne est derrière le renouveau du studio Disney. Il a composé les chansons de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête, d'Aladin. Eh bien cette fois, il s'associe avec le parolier et compositeur Stephen Schwartz, qui est lui aussi dans l'actualité puisqu'il est le compositeur de Wicked. Eh bien, il s'associe donc à Stephen Schwartz, Alan Menken, pour composer des chansons riches, puissantes, qui puisent à la fois dans le répertoire liturgique des chants en latin, dans l'utilisation du son des cloches, la musique de rue en France des Gitans et la riche tradition de la musique classique française. Rien que l'ouverture du film Le Bossu de Notre-Dame est majestueuse. Pour ce prologue storyboardé par des Français, les frères Paul et Gaëtan Brizzi, qui racontent l'histoire, rappelez-vous, de cet enfant Quasimodo, sauvé, enfin ce bébé, recueilli par l'archevêque de Notre-Dame de Paris, Alan Menken donne libre cours à une imagination débordante. La voici, cette ouverture. Awakes to the bells of Notre Dame. The fisherman fishes, the baker man bakes to the bells of Notre Dame. To the big bells as loud as the thunder, to the little bells soft as a psalm. And some say the soul of the city is the toll of the bells. The bells of Notre Dame. This they're beautiful, no? So many colors of sound, so many changing moods. Because, you know, they don't ring all by themselves. They don't? No, silly boy. Up there, high, high in the dark bell tower, lives the mysterious bell ringer. Who is this creature? Who? What is he? What? How did he come to be there? How? Hush! And Clopin will tell you. It is a tale of a man and a monster. Dark was the night when our tale was begun on the docks near Notre Dame. Shut it up, will you? We'll be spotted. Hush, little one. Four frightened gypsies slid silently under the docks near Notre Dame. Four guilders for safe passage into Paris. But a trap had been laid for the gypsies. And they gazed up in fear and alarm at a figure whose clutches were iron as much as the bell. Judge Claude Rollo, the bells of Notre Dame. Judge Claude Rollo longed to purge the world of vice and sin. And he saw corruption everywhere except within. Bring these gypsy vermin to the Palace of Justice. You there! What are you hiding? Stolen goods, no doubt. Take them from her. She ran. This is an unholy demon. I'm sending it back to hell, where it belongs. See there the innocent blood you have spilled on the steps of Notre Dame. I am guiltless. She ran, I pursued. Oh, you would add this child's blood to your guilt on the steps of Notre Dame. My conscience is clear. You can lie to yourself and your minions. You can claim that you haven't a qualm. But you never can run from nor hide what you've done from the eyes, the very eyes of Notre Dame. And for one time in his life of power and control, Rollo felt a twinge of fear for his immortal soul. What must I do? Care for the child and raise it as your own. What? I'm to be saddled with this misshapen. Very well. But let him live with you in your church. Live here? Where? Anywhere. Just so he's kept locked away where no one else can see. The bell tower, perhaps. And who knows, our Lord works in mysterious ways. Even this foul creature may yet prove one day to be of use to me. And Frollo gave the child a cruel name, a name that means half full, Quasimodo. Now, here is a riddle to guess if you can sing the bells of Notre Dame. Who is the monster and who is the man? Sing the bells, bells, bells. is cruel, the world is wicked. It's I alone whom you can trust in this whole city. I am your only friend. I who keep you, teach you, feed you, dress you. I who look upon you without fear. How can I protect you, boy, unless you always stay in here, away in here? Remember what I've taught you, Quasimodo. You are deformed. I am deformed. And you are ugly. And I am ugly. And these are crimes for which the world shows little pity. You do not comprehend. You are my one defender. Out there they'll revile you as a monster. I am a monster. Out there they will hate and scorn and jeer. Only a monster. Why invite their calumny and consternation? Stay in here. Be faithful. I'm to faithful. Me. Grateful. I'm grateful. Do as I say. Obey and I'll stay in here. Safe behind these windows and these parapets of stone, gazing at the people down below me. All my life I watch them as I hide up here alone, hungry for the histories they show me. All my life I memorize their faces, knowing them as they will never know me. All my life I wonder how it feels to pass a day not above them, but part of them. And up there, living in the sun, give me one day up there. All I ask is one, to hope forever up there, where they all live on. What I dare, just to live one day out there. Out there among the millers and the weavers and their wives, through the roofs and gables I can see them. Every day they shout and scold and go about their lives, heedless of the gift it is to be them. If I was in their skin, I'd treasure every instant of there, strolling by the sand, taste the morning out there like ordinary men who freely walk about there just one day and then. I swear I'll be content with my share. Won't resent, won't despair, old and bent, I won't care. I'll have spent one day out there. Le grand solo de Quasimodo, Out There, interprété par Tom Hulce. C'est le moment où Quasimodo, qui a grandi, enfermé dans Notre-Dame, car il est difforme, regarde du haut des tours Paris. Et puis auparavant, c'était l'ouverture du bossu de Notre-Dame, majestueuse, Bells of Notre-Dame, interprétée par Clopin, l'archidiacre, Frollo, Paul Candel, David Ogden Stiers et Tony Jay. Lorsque le studio Disney décide d'adapter le roman de Victor Hugo en dessin animé, c'est vrai que l'ambition est énorme. Il veut faire quelque chose de neuf, de moderne, de puissant. Le film reste un chef-d'œuvre. Et alors, évidemment, on est dans un Disney, donc il faut des personnages secondaires un petit peu joyeux pour alléger l'histoire. Et du coup, on va décider de faire des gargouilles, des personnages sympathiques. C'est ainsi qu'il se retrouve à interpréter ce titre, A Guy Like You. Des gargouilles qui s'appellent La Rocaille, La Muraille, La Volière. Et on est bien à Paris avec ce petit coup d'accordéon. Paris, the city of lovers, is glowing this evening. True, that's because it's on fire, but still there's l'amour. Somewhere out there in the night, her heart is also alight, and I know the guy she just might be burning for. A guy like you, she's never known, kid. A guy like you, a girl does not meet every day. You've got a look that's all your own, kid. Could there be two like you? No way. Those other guys that she could dangle all look the same from every boring point of view. You're a surprise from every angle. Mantia above, she's gotta love a guy like you. A guy like you gets extra credit, because it's true, you've got a certain something more. You're racist, kid. You see that face, you don't forget it. Want something new? That's you. For sure. We all have gaped at some Adonis, but then we crave a meal more nourishing to chew. And since you're shaped like a croissant is, no question of she's gotta love a guy like you. Call me a hopeless romantic, but Mossy, I feel it. She wants you so, any moment she'll walk through that door. I don't know if you can hear me, or if you're even there. I don't know if you would listen to a gypsy's prayer. Yes, I know I'm just an outcast, I shouldn't speak to you. Still I see your face and wonder, were you once an outcast too? God help the outcasts, hungry from birth. Show them the mercy they don't find on earth. God ask for wealth, I ask for fame, I ask for glory to shine on my name. I ask for love I can't possess. Toujours des paroles très belles, signées Stephen Schwartz, God Help the Outcasts. C'était la chanson d'Esmeralda, interprétée, enfin doublée dans le film par Demi Moore, mais celle qui chantait les chansons d'Esmeralda dans le dessin animé Le Bossu de Notre-Dame, c'était Heidi Mollenhauer. Et puis auparavant, Les Amis de Quasimodo, Les Trois Gargouilles, étaient interprétés par Jason Alexander, Charles Kimborough et Mary Wickles. Alors dans Le Bossu de Notre-Dame, ce dessin animé Disney de 1996, Alan Menken donne aussi libre cours à son imagination lors du moment intitulé Sanctuary, lorsque Quasimodo, ce sonneur de cloches difforme, doit affirmer son indépendance vis-à-vis d'un ministre vicieux, Frollo, et tente d'arracher son amie Esmeralda du bûcher où elle a été condamnée. La bande originale du film Le Bossu de Notre-Dame, édité en 1996, musique Alan Menken, paroles Stephen Schwartz. Vous retrouverez quelques vidéos du film sur la page des étoiles de la comédie musicale. Et puis vous pouvez vous abonner au podcast Les étoiles de la comédie musicale sur votre service de musique en ligne préféré et sur l'appli Radio France. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. C'est bientôt Noël, vous savez, 42e rue a ouvert sa hotte de cadeaux. Bravo à Domingo à Paris, à Pascal à La Roche-sur-Yon, à Fanny à Metz, à Guillaume à Saint-Étienne et à Anouk à Paris, à qui nous envoyons le cadeau de la semaine dernière, la bande originale du film Emilia Pérez qui vient de sortir. Alors cette semaine, on vous offre un livre formidable qui vient de paraître aussi. Tout ce que vous voulez savoir sur les coulisses des Misérables, ça s'intitule « J'avais rêvé, une amitié en musique ». Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, les auteurs, en conversation avec Rémi Bateau. le rédacteur en chef du web magazine Le Regard en coulisses. Le livre vient de paraître aux éditions du Rocher. Pour le recevoir, comme d'habitude, il faut répondre à une question. Qui a été le premier metteur en scène des Misérables en France? Est-ce que c'est Jérôme Savary? Est-ce que c'est Peter Brook? Ou est-ce que c'est Robert Hossein? Vous avez jusqu'à mercredi minuit. Pour nous écrire, eh bien vous allez sur la page de 42e rue, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Vous n'oubliez pas d'indiquer votre adresse parce qu'il faudra vous l'envoyer, ce très beau livre. Les gagnants seront tirés au sort. Dans l'actualité aussi, notez ces deux spectacles que nous vous conseillons, Frédéric Steenbrick et Isabelle Georges, qui proposent samedi prochain, 14 décembre, un nouveau spectacle, « Ella et Franck ». C'est au Bal Blomet à Paris, à 17h et 20h. Et puis Noël, encore et toujours, avec cette fois Lorraine Van Kempen, vous vous rappelez peut-être la formidable Dame du Lac dans Spamlott l'an dernier au Théâtre de Paris. Eh bien, elle vous invite à bien préparer les fêtes avec ses Jingle Bells, un trio malicieux et choral. Il y a deux dates, alors tout simplement tout à l'heure, là, dans une heure, à 14h30 ou alors à 16h à l'Auguste Théâtre. Ça s'appelle Noël pour les petits, c'est un spectacle familial. Et puis demain soir, à 20h, un autre spectacle avec les Jingle Bell, Christmas Cheer, avec les tubes de Noël, dont celui-ci. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. The weather is so frightful, boy. The fire is so delightful, boy. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ain't no sign of stopping, boy. I brought some corn for popping, boy. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, baby, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, baby, let it snow. Lorraine Van Kempen et les Jingle Bells à découvrir aujourd'hui et demain à Paris à l'Auguste Théâtre. On vous a mis toutes les infos sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr et sur l'appli Radio France avec la programmation de l'émission. Et s'il vous plaît, Séverine par exemple, n'écrivez pas sur le messenger de 42e rue sur Facebook pour jouer et tenter de gagner le livre. Allez simplement pour répondre à la question que je vous ai posée sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et cliquez sur l'onglet. Vous avez jusqu'à mercredi minuit pour répondre à la question et tenter de gagner ce livre. J'avais rêvé. Enfin, vous trouverez le lien pour regarder en vidéo notre grande soirée 42e rue fait son show également sur cette page. La plupart des numéros sont disponibles. Et puis demain ou mardi, vous pourrez carrément regarder la soirée dans son intégralité. C'est sur la chaîne YouTube France Musique Concert. On se retrouve donc dimanche prochain en direct du Théâtre du Lido avec l'orchestre et la troupe au complet de Hello Dolly. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique. Merci à Com Jocteur Moronzier qui m'a aidé à préparer l'émission, à Jeanne Agrapard, au mixage et à la technique à José Bernays et à la cabine à Thomas Guignegagne. Rideau France Musique.